on est parti en fouille, mais toujours en vie. L'ennui qui ronge les barreaux de l'oubli, le temps qui rouille les élans inédits, ces nouvelles chances qu'il faut la parodie. Comme le passé des démons de la vie, tant pis, l'amour c'est fini. Je suis ici.